Greenland Productions et CISM présentent Two Door Cinema Club avec Bombay Bicycle Club et The Lonely Forest le 16 septembre au Club Soda. Billets en vente maintenant à la billetterie du Club Soda par téléphone au 514-286-1010 ou achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3, une émission dédiée au rock indépendant dans la scène locale et un peu partout dans le monde. Par exemple, ce soir, on a au menu du WD-40, un succès souvenir, du Decorate, et deux groupes de la scène indie rock de Barcelone. L'émission de ce soir est en direct, alors n'hésitez pas à m'appeler au 514-343-CISM 343-2476. Le prochain groupe qu'on va entendre est issu de la scène indie rock de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Je vous avais d'ailleurs fait jouer un autre groupe du même endroit, Milks and Rectangles, à la première émission de la saison au mois de mai. Boxer the Horse, donc, a lancé son premier album l'année passée, Would You Please, et a été consacré le meilleur nouveau groupe de 2010 par la CBC Radio 3, qui est l'équivalent peut-être, on pourrait dire, de bande à part pour Radio-Canada. Le groupe cite parmi ses influences la pop des années 1960, entre autres des Kinks, et l'univers de Stephen Malkmus, l'ancien leader de Pavement, quelque chose d'un peu plus contemporain. On écoute la très accrocheuse Sketch Me a Glove de Boxer the Horse sur CISM 89.3. service routine. And the garlic has been in the window for a dog's age. And the sun is rising, so I feel like a wounded marine. I want to be 100 Breton, so won't you sketch me a glove? Young libertine, your love. And I wake up in the morning, my foot is tapping to the beat. I'm living up to expectations, and I can never look back. I'm a literary hack, but I'm clean. Yep. Monitor my intake, so hit me with a low ball. Started with coffee and work my way to smooth rock dust. No, I'm too young to fake it when I'm ripping up the dance floors, tripping with the dance whores. I'll tell the professionals they're wrong and come back before you knew I was gone. And I wake up in the morning, my foot is tapping to the beat, but in my heart there is a warning. Never look back, I'm a literary hack, but I'm clean. She told me I'm tired, and so henceforth I must be in love. I said, would no one little boy's feelings go, but just at the pub, I don't touch the other stuff. Ah. Desecrating bodies. La Question avec Cadeau de leur deuxième album, 21e siècle. Juste avant, vous entendiez un autre groupe de Montréal, Lights Off, qui est formé d'anciens membres des Steels et de André. La chanson Drella se retrouve sur un maxi sorti l'année passée. Lights Off serait, selon leur site MySpace, ou plutôt Facebook, actuellement en train d'enregistrer leur premier album avec le réalisateur Joseph Donovan, qui a déjà travaillé, entre autres, avec The Dears et I Dials. Les deux prochains groupes qu'on va entendre sont de Barcelone en Espagne. Le premier groupe, Audios, ou plutôt Audio Paris, a sorti un premier album homonyme en mai dernier qui marie un pop-rock estival avec du shoegaze, dont j'ai choisi la chanson « Donne des tracis ». Audio Paris seront en septembre au sympathique festival de South Pop Festival de Isla Cristina, en une station balnéaire à 2 heures de CV. Imaginez, c'est un festival vraiment avec des scènes dans la plage. Les têtes d'affiche de cette année sont quand même intéressantes avec le trio anglais Saint-Étienne et le chanteur français Dominique A. Mais on débute avec OVNI qui viennent tout juste de sortir un nouvel album sur lequel j'ai trouvé qu'ils sont un peu trop abusé des claviers. Alors je me suis plutôt tourné vers leur album précédent, Atterrissage, plutôt Atterrissage, qui est tiré de leur album précédent. Vous allez sûrement remarquer l'influence des Strokes. Alors, sur les ondes de CISM 89.3, voici le groupe OVNI. Vous écoutez Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant d'ici et d'ailleurs dans le monde, sur les ondes de CISM 89.3. Vous venez tout juste d'entendre de Rostov-on-Don en Russie, la formation Motorama avec Ghost. Si vous aimez leur dernier album Help, c'est disponible gratuitement sur leur site internet. Cherchez Motorama. Avant Motorama, c'était deux groupes de Barcelone en Espagne, OVNI et Audio Paris, qui chantaient tous les deux en espagnol, évidemment. On poursuit tout de suite avec un groupe qui va être un peu plus rock'n'roll et qui s'est formé en 1999 à Alma avant de déménager à Montréal. Les Psycho Riders ont lancé leur troisième et dernier album, Les Derniers Jours, en 2009. Ils se sont séparés peu de temps après. Voici Exister des Psycho Riders. leur humeur et tes fantaisies. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, chérie. Ton pis ton père, c'est s'aimer le mes envies. Oh oui. WD40 avec Attention Grand-Maman, Chérie, tu fourres mieux quand t'es stone, de l'album fantastique Strapagos qui est sorti en 2001. Le groupe est supposé être mort avec le show d'adieu qu'il y a eu au Francophonie l'année passée et la biographie sur DVD qui est sortie en 2009. Mais il ne faut pas toujours les croire puisque Alex Jones et son frère Jean-Loup étaient en spectacle à la Saint-Jean cette année à Chicoutimi. Alors, on peut espérer peut-être d'autres choses de leur part. Avant WD40, c'était les Torontois de Black Hat Brigade avec Zombie City Shake. Et je me suis fait plaisir avec un autre classique des Marmottes aplaties cette fois, qui remonte à 1999 avec Tu Abuela en Tanguita. Le prochain groupe, Let's Buy Happiness, est de Newcastle dans le nord de l'Angleterre et offre une pop-rock assez intéressante. Le groupe a lancé en février dernier un extrait de leur premier album à paraître l'automne prochain. Sur les ondes de CSM 89.3, voici Fast Fast de Let's Buy Happiness. Stand aside with a silver frame until the clouds come by and then they fill. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de la marge CISM 89.3. Dans le dernier segment, vous entendiez New Direction des Black Lips, dont le nouvel album Arabia Mountain se trouve cette semaine en quatrième position du palmarès album de CISM. Et le dernier segment s'était terminé avec une formation danoise Decorate. Après que leur shoegaze ait connu quand même beaucoup de succès à l'intérieur de leur pays, le Danemark, en 2007 avec le mini-album Normandie, le processus de création de leur premier album Instruction est sorti quand même en juin 2009, mais a mené après plusieurs chicanes à la séparation du groupe. On a entendu du mini-album donc Normandie, Surname of Copenhagen, de Decorate. L'émission de ce soir se termine dans quelques minutes, mais restez à l'écoute, car après les pubs, Étienne Champagne vous fera bouger avec Rythmologie jusqu'à 22h. Ensuite, ça sera 12 pouces dans le jazz jusqu'à minuit. Pour retrouver la liste des émissions, ou plutôt des chansons diffusées ce soir et aussi réécouter l'émission, vous n'avez qu'à vous rendre sur le csm893.ca dans la section émissions ou encore sur le blog leterminus.ca. On se quitte sur la musique de Monogranade qui ont lancé un premier album qui s'appelle Tantale cette année. J'ai plutôt choisi une chanson tirée de leur EP qui a permis de les découvrir en 2009 et qui s'appelle Chambre Miroir. Plutôt Chambre au Miroir, c'est le nom de la chanson. Monogranade sera en spectacle le 27 août prochain en compagnie de Snail House sur le toit du studio de jeux vidéo Ubisoft à Montréal dans le Maryland. Ici Jean-François, passez une très bonne semaine. À bientôt.